Deuxième partie, chapitre 1er. De longues années s'étaient écoulées depuis que Grand-Pré avait été livré aux flammes. Depuis longtemps déjà, les vaisseaux anglais avaient quitté la baie de Gaspereau, enlevant à ses foyers tout un peuple condamné à un exil sans terme et dont l'histoire moderne n'offre pas un autre exemple. En quittant leur patrie, les Acadiens, dispersés comme les flocons de neige chassés par les vents du nord, avaient abordé bien loin de là, sur des rivages différents. Privés d'amis, de foyers et d'espérance, ces infortunés erraient de cité en cité, passant des lacs glacés du nord aux savanes brûlantes du midi, des froides rives de la mer au bord luxuriant du Mississippi. Ils étaient à la recherche d'amis et de foyers, mais un grand nombre d'entre eux, le cœur brisé et désespéré, renonçaient à trouver une âme affectueuse et une maison ouverte. Ils ne demandaient plus à la terre qu'un tombeau. L'histoire de leur douloureux pèlerinage est écrite sur les pierres funéraires des cimetières. Parmi eux, on remarqua longtemps une jeune fille paraissant n'avoir d'autre soin que d'attendre, en allant et venant sans cesse. Son maintien humble et modeste, son âme bonne et résignée, sa jeunesse et sa beauté attiraient vers elle tous les cœurs. On sentait que, dans sa vie, il y avait quelque chose de manqué, d'incomplet, d'inachevé, comme si une belle journée d'été s'arrêtait brusquement dans son cours. En présence du malheur qui l'avait frappé, blessé dans ses affections les plus chères, la vie lui apparaissait comme un vaste désert dont les sentiers étaient marqués par les tombes de ceux qui l'avaient précédé dans cette voie de chagrin et de martyr, d'illusions à jamais mortes et perdues. Parfois, elle séjournait dans les villes, puis, pressée par une inquiétude intérieure, poussée par cette soif insatiable de recherche qui dévorait son âme, elle reprenait sa course sans fin et son stérile labeur. Elle parcourait les allées des cimetières, arrêtant ses yeux sur les croix et les pierres tombales, pensant que son fiancé pourrait bien être sous ces tombes sans nom, auprès desquelles elle s'asseyait et où elle aurait voulu reposer à côté de lui. D'autres fois, sur un bruit, sur un chuchotement saisi au passage, elle poursuivait sa marche. Il lui arrivait aussi de s'entretenir avec ceux qui avaient rencontré et connu Gabriel. Alors elle les interrogeait longuement, espérant toujours découvrir le lieu de sa retraite. Mais ils l'avaient vu, il y avait bien longtemps, et toujours dans des endroits éloignés dont ils avaient même oublié le nom. « Gabriel la jeunesse » disait-il. « Oh, parfaitement! Oui, nous l'avons vu en compagnie de Basile le forgeron. Ils ont gagné tous deux les prairies. Ce sont de rudes coureurs des bois, et on les cite parmi les chasseurs et les trappeurs. » « Gabriel la jeunesse ?» disaient les autres. « Certes, nous l'avons rencontré. Il est voyageur dans les basses terres de la Louisiane. » Puis certains ajoutaient « Pauvre chère petite, à quoi bon cette longue attente et cette préoccupation unique pour une même personne? N'y a-t-il pas d'autres jeunes gens que Gabriel, en qui trouver la bonne mine, la tendresse, la franchise du cœur et la droiture du caractère ?» « Vois, Baptiste Leblanc, le fils du notaire, il y a longtemps qu'il t'aime, celui-là. Allons, mets ta main dans la sienne et sois heureuse. » Alors Évangeline répondait avec une mélancolique sérénité. « Impossible, ma main sera à celui-là seul à qui j'ai donné mon cœur. » Alors le père Félicien, son ami et son conseiller, lui disait en souriant, « Ma fille, c'est le Seigneur qui parle par ta bouche. Prends patience, poursuis ton œuvre, remplis ta mission de tendresse. Celui qui souffre sans se plaindre est fort, et Dieu aime les cœurs fermes et résignés. Reste fidèle à ta tâche d'affection. » Encouragée par ces paroles, Évangeline prenait patience et espérait, poursuivant chaque jour sa course errante, sans savoir si jamais elle atteindrait le bonheur qu'elle rêvait et qui semblait fuir devant elle.